Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est à une grande dame de l'histoire que Franck Ferrand a choisi de dédier son émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Une grande dame ou plutôt deux, car si Madame de Maintenon, la seconde épouse de Louis XIV, va retenir notre attention là, pendant cette heure, c'est sa célèbre porte-parole que nous recevons dans ce studio. Françoise Chandernagor, l'auteur de L'Allée du Roi, me fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Et puis je vous demandais de quoi vous nous parlerez à la toute fin de l'émission. Alors nous parlerons d'un phénomène dont Madame de Maintenon en son temps n'avait pas à se soucier. Elle avait bien de la chance. Quoique, me direz-vous, nous évoquerons les sondages d'opinion. D'où viennent-ils ces sondages? Depuis quand est-ce que l'on sonde l'opinion? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Pour le moment, fouette cochée, nous partons pour Saint-Germain, Saint-Cyr et Versailles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un livre qui a changé, voilà 30 ans, le regard de toute une génération sur Madame de Maintenon. Un grand ouvrage, un roman qui, après les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, devait conférer ses lettres de noblesse au genre assez nouveau des mémoires apocryphes. Je dis assez nouveau à l'époque parce que depuis, le moins qu'on puisse dire est qu'un très grand nombre d'auteurs se sont engouffrés dans la brèche. L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor. Je me revois adolescent traînant partout avec moi ce livre épais, enfin assez épais, je l'ai là, l'exemplaire de l'époque. C'était à l'été 1982, je suis allé partout jusqu'en Prusse occidentale chez mon correspondant d'allemand avec ce livre. J'y trouvais tout ce qu'on peut chercher dans un beau roman, des intrigues, des amours, des haines immortelles, mais avec un surcroît de profondeur, de finesse et d'extrême élégance. Certaines des premières phrases gravées dans ma mémoire parlent pour tout le livre, un livre conçu comme une longue lettre adressée à Marie de la Tour quand elle aura 20 ans. Dans les premières lignes transparaît la passion de la marquise pour sa fondation de Saint-Cyr et pour les jeunes filles qu'on y éduquait. Avec, vous saviez, ces jeunes filles portaient en fonction de leur âge des rubans rouges, jaunes, verts et bleus. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Je voyais sur la neige de la cour verte courir et danser les petites filles rouges dont les rubans mal noués glissaient sur les robes brunes. Vous mettiez, mon enfant gâté, toute l'ardeur de vos 7 ans à piétiner la boue des allées. Au-delà des parterres dépouillés, j'apercevais par les fenêtres du réfectoire les jaunes et les vertes qui finissaient de dîner en silence. Leurs couverts d'argent et leurs coiffes blanches renvoyaient vers les croisées plus de lumière qu'elles n'en recevaient. De la chapelle derrière moi, j'entendais monter le chant des grandes filles bleues qui disaient l'office du milieu du jour avec leur maîtresse, et leur voix s'élevant dans l'air glacé avait la brûlante pureté d'une flamme. Avant le travail décisif de Françoise Chandernagor, la jalousie morbide de la princesse palatine contre, on peut dire aussi d'ailleurs, l'admiration irénique de Madame de Caylus, et la haine d'un Saint-Simon, et la complaisance d'un Dangeau, tout cela avait eu tendance, malgré la Beaumelle, malgré Sainte-Beuve, à nous détourner de celle que Madame affublait indifféremment des jolis noms de guenip ou de vieille ripopée. Saint-Simon, plus que d'autres, lui avait fait une réputation. Le mémorialiste ne cesse de dénoncer l'omnipotence de Madame de Maintenon tout en l'admirant malgré lui. Je cite Saint-Simon. « La toute-puissance, l'adoration publique universelle, les ministres, les généraux d'armée, la famille royale, la plus proche, tout en un mot à ses pieds, tout bon et tout bien par elle, tout réprouvé sans elle, les hommes, les affaires, les choses, les choix, les justices, les grâces, la religion, tout sans exception en sa main, et le roi et l'État ses victimes. Quelle elle fut cette fée incroyable, et comment elle gouverna sans lacune, sans obstacle, sans nuage le plus léger, plus de 30 ans entiers, et même 32, c'est l'incomparable spectacle qu'il s'agit ici de se retracer, écrivait le mémorialiste qui n'en croyait pas lui-même ce qu'il avait pu voir. Plus qu'une femme politique, Madame de Maintenon aura été, je crois, une éducatrice hors pair, une pédagogue avant la lettre. Elle-même ne disait-elle pas « c'est ma folie que l'éducation ». Elle allait servir de mère de substitution aux enfants que Madame de Montespan avait donnés au roi et dont elle avait fait des princes et des princesses légitimés, et dont il avait fait, dont le roi avait fait, enfin le Parlement pour être plus exact, avait fait des princes et des princesses légitimés. C'est elle, c'est Madame de Maintenon qui les a élevés, mais d'où venait-elle pour y prétendre? Quelles étaient ses origines? En 1669, au moment où elle prend en charge l'éducation des petits bâtards royaux, Françoise d'Aubigné, c'est son nom, est d'abord une veuve. Et pas une veuve ordinaire, puisqu'elle avait été mariée à Paul Scarron, vous savez, le fameux poète licencieux, un paralytique Scarron, un cul de jatte pour tout dire, qui avait 25 ans de plus qu'elle. C'est peu de dire que sa mort l'avait délivrée d'un grand poids. Françoise était une belle femme, il faut imaginer de très beaux yeux pleins de feu, une jolie bouche, un sourire enchanteur. Elle était coquette, élégante, sexuellement attirante jusque dans un âge avancé. On se rappelle ce que disait Louis XIV, « elle a du feu dans les yeux », disait-il. Cette femme assez extraordinaire, qui a déjà plus de 30 ans lorsqu'elle fait son entrée, assez remarquée à la cour, n'a pas été véritablement préparée à devenir gouvernante d'enfants royaux. Elle est née dans une prison, son père étant détenu. Elle a été élevée en partie aux Antilles. Elle en gardera le surnom de belle indienne. Elle s'est convertie au catholicisme, car elle était née protestante. Elle a été trimballée en Poitou chez des tantes austères. Elle a reçu elle-même une éducation certes convenable, mais rigoureuse. On dit qu'à 8 ans, elle n'avait lu que Plutarque, et donc c'est ce qui expliquait qu'elle connut si bien l'histoire ancienne. Cela dit, ça peut servir en société. Elle raconte par exemple une journée passée dans son enfance avec sa cousine à garder les dindons. On est en Poitou là. On nous plaquait un masque sur notre nez car on avait peur que nous ne halassions. On nous mettait au bras un petit panier où était notre déjeuner avec un petit livret des quatrains de Pibrac dont on nous donnait quelques pages à apprendre. Avec cela, on nous mettait une grande gaule dans la main et on nous chargeait d'empêcher que les dindons n'allassent où ils ne devaient point aller. Sa culture va se nourrir considérablement dans l'intimité de Scarron, évidemment. Je vous ai dit qu'elle lisait le latin, par ailleurs elle a des notions d'italien, d'espagnol. Elle a beaucoup de goût pour la littérature, elle se rapproche de Racine. Et les pensées de Pascal seront son livre de chevet. Donc vous voyez une certaine tendance à se rapprocher de Port-Royal au passage. À la mort de son mari, elle intègre le couvent des Ursulines pas très longtemps. Ensuite, elle s'installe dans une maison de la rue des Trois Pavillons. C'est aujourd'hui la rue Elzévir, on est dans le Marais à Paris. Et on peut dire qu'à ce moment-là, elle essaie de mener sa barque, si je puis dire. Les dames de Saint-Cyr, beaucoup plus tard, nous brosseront de Madame de Maintenon ce portrait flatteur. Madame de Maintenon avait le son de voix le plus agréable, un ton affectueux, un front ouvert et riant, le geste naturel de la plus belle main, des yeux de feu, les mouvements d'une taille libre si affectueuse et si régulière qu'elle effaçait les plus belles dames de la cour. Le premier coup d'œil était imposant et comme voilé de sévérité, le sourire et la voix ouvraient le nuage. Autant dire que la belle dame n'a pas été choisie par hasard pour s'occuper des enfants naturels du roi. La rencontre avec Madame de Maintenon, Montespan, s'est faite chez le maréchal d'Albret. Le maréchal d'Albret était le cousin par alliance de la favorite. Et Madame de Maintenon, enfin, qui ne s'appelait pas encore Madame de Maintenon, la veuve Scarron, fréquentait ce salon. Le 18 juillet 1668, Madame Scarron fait sa première apparition à la cour. Elle a donc 32 ans à ce moment-là, ce qui quand même à l'époque est assez éloigné de la première jeunesse. Voici ce que dira beaucoup plus tard Saint-Simon. Elle dut à la proche parenté du maréchal d'Albret et de Madame de Montespan l'introduction décisive à l'incroyable fortune qu'elle fit 14 ou 15 ans après. Les respects, les soins de plaire, l'esprit et les agréments de Madame Scarron réussirent fort auprès de Madame de Montespan. Ce qui est assez notable, c'est qu'ils réussirent plus fort encore auprès du roi lui-même. On écoutait Michel Richard de Lalande, symphonie pour les soupers du roi, orchestre de chambre de Jean-François Paillard. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand, cet après-midi vous nous parlez de Madame de Maintenon, c'est la suite de votre récit. Alors le premier enfant du roi et de Madame de Montespan est né en 1669, on ne connaît pas très précisément son sexe, il semble que ce soit une petite fille qui aurait répondu au prénom de Louise Françoise, mais selon Jean-Christian Petit-Fils ce serait plutôt un garçon de prénom inconnu. En tout cas l'enfant mourra très bientôt en 1672. Madame de Montespan voulait, elle cherchait une personne de confiance évidemment pour élever ses ses enfants. Et elle pense à son amie, la veuve Scarron. Elle serait très bien, elle est discrète, dévote. Visiblement, elle aime beaucoup les enfants. Il va y en avoir des bâtards, il faut vous dire, parce qu'il y en aura 7, dont 4 atteindront l'âge adulte. Louis-Auguste de Bourbon, bien sûr, le duc du Maine, qui naît en 1670, mais ensuite Mademoiselle de Nantes, je passe ceux qui sont morts en bas âge, hein, Mademoiselle de Nantes, qui naît en 73, Mademoiselle de Blois en 77, et puis le dernier, le futur grand amiral de France, le comte de Toulouse, en 1678. Celui-ci, Madame de Maintenon ne l'élèvera pas, comme deux de ses sœurs du reste. Alors, il faut imaginer les conditions du tout début de cet office particulier. En mars 1669, de nuit, pour déjouer la curiosité, cette dame si discrète, un masque sur le visage, emporte dans une voiture de louage le premier des nouveau-nés. Ce sera le préféré de Françoise d'Aubigné parmi les enfants que Madame de Montespan a donné au roi. Il est le 7e, donc des 7, c'est le petit duc du Maine, qui malgré son infirmité, vous savez qu'il boite, ou bien peut-être à cause d'elle d'ailleurs, saura conquérir le cœur de celle qui va lui faire office de gouvernante. Elle l'appellera toujours mon mignon et un jour, beaucoup plus tard, elle fera tout son possible pour lui confier littéralement le pouvoir, on va y revenir bien sûr. À sa naissance, en 1670, elle vient le récupérer à l'une des petites portes du parc de Saint-Germain, des bras de Monsieur de Lauzun. Françoise a amené avec elle la petite Louise de Dicourt, hein, la future madame de Montgon. Pour écarter tout soupçon, le garçon est séparé de l'aîné. Je ne sais pas si on doit dire du fils ou de la fille aînée. Il est logé dans une petite maison de la rue des Tournelles. Alors, il y a toutes sortes de va-et-vient. Je montais à l'échelle pour faire l'ouvrage des tapissiers et ouvriers parce qu'il ne fallait pas qu'ils entrassent dans la chambre. Je faisais tout moi-même, les nourrices ne mettant la main à rien, et j'allais souvent à pied de nourrice en nourrice, déguisée, portant sous mon bras du linge, de la viande, peut-on lire, dans l'allée du roi. La troisième naissance, celle du futur comte de Vexin, a lieu en 1672. En fait, il y aura un enfant quasiment tous les ans, ou en tout cas tous les deux ans. Madame de Montespan tombe enceinte à la vitesse de l'éclair, et Madame de Maintenon se voit bientôt chargée d'une responsabilité qui devient terrible. Elle est exsangue, et d'autant plus qu'elle doit aussi élever le fils illégitime du frère de la favorite. À la naissance du troisième enfant, tout le monde est réuni sous le même toit, rue de Vaugirard, aujourd'hui au numéro 25 du boulevard Montparnasse. Madame Maintenon s'y enferme avec toute la pouponnière, et elle va devenir une sorte de mère de substitution. C'est Madame de Sévigné qui décrit cela. Un beau jardin, dit-elle, de beaux et grands appartements, et elle explique qu'on se déplace en carrosse avec des gens, des chevaux. On voit quand même que Madame de Maintenon, enfin je l'appelle Madame de Maintenon, c'est un anachronisme évidemment, pour l'instant elle est Madame Scarron. Madame Scarron vit très confortablement et elle prend bien sûr très à cœur son rôle de gouvernante. Elle racontera plus tard à Mademoiselle d'Aumale, sa confidente, je cite, « J'allais souvent à pied de nourrice en nourrice, portant sous mon bras du linge de la viande. » Ça vous dit quelque chose cette phrase-là? « Je passais quelquefois la nuit entière chez un de ses enfants qui était malade dans une petite maison hors de la barrière. Je rentrais chez moi le matin par une petite porte de derrière et après m'être habillé, je montais en carrosse par celle de devant pour m'en aller à l'hôtel d'Albret ou de Richelieu, afin que ma société ordinaire ne s'aperçût de rien et ne soupçonnât même pas que j'eusse un secret à garder. » Voyez, entre parenthèses, que tout ça se fait dans le plus grand secret, ce qui veut dire que Madame Scarron doit vivre deux vies. Elle se partage entre tous. Voilà ce qu'elle dira à l'abbé Gobelin, son directeur de conscience. « Monsieur le duc du Maine a la fièvre double carte », elle écrit. « Monsieur le comte de Vexin, un vomissement et un dévoiement, et madame et mademoiselle de Nantes vient de retomber. Je me partage entre eux et les sers comme une femme de chambre parce que toutes les leurs sont sur les dents. » C'est un travail, c'est un emploi terrifiant qu'on lui a finalement confié. Alors, elle va bien entendu choisir elle-même les précepteurs à mesure que les enfants grandissent, etc. Et elle veille à cette éducation. On peut dire qu'elle forme là ce sens de la pédagogie qui fera plus tard d'elle la fondatrice de la maison d'éducation de Saint-Cyr, bien entendu. Elle a le goût, elle a le don de communiquer ce qu'elle sait. Vous savez, elle a ce sens hein, qu'on ressent chez certaines personnes qui sont particulièrement pédagogues. Elle aime apprendre aux autres. Elle est à la fois assez sévère, elle a des règles et en même temps, elle a une très grande compréhension pour les enfants. Et les mœurs, comment dirais-je, les principes, les préceptes d'éducation qu'elle va leur appliquer sont souvent incroyablement modernes. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à mesure que le temps passe, un peu évidemment, elle va s'approprier les enfants. Non seulement elle gagne leur confiance, mais elle gagne leur amour, disons-le. Elle devient la véritable mère de ses enfants, en tout cas du duc du Maine. Ça, c'est incontestable. Il est maladif, hein, le petit duc du Maine, il est infirme, il faut l'aider constamment. Donc évidemment, on a tendance à fondre devant lui. En plus, il est d'une intelligence assez remarquable qui va bien entendu, c'est ça sans doute qui va le plus séduire Madame Scarron. En 1673, on peut dire que le secret de Madame de Montespan est largement éventé. En 1673, tout Paris sait, pour les enfants et pour leurs gouvernantes. La bande originale du film Louis, enfant roi, c'était l'ouverture. Dans quelques minutes, la suite du récit de Franck Ferrand sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et c'est Madame de Maintenon qui est à l'honneur cet après-midi. C'est la dernière partie de votre récit, Franck. Oui, alors vous savez, elle a donc élevé un certain nombre des enfants que Madame de Montespan avait donné à Louis XIV. Ça se sait en 1673, au point qu'un peu avant Noël, le roi décide de légitimer ses bâtards, d'officialiser la situation. Ce qui veut dire que Madame de Maintenon, alors elle s'appelle pas encore Madame de Maintenon, que Madame Scarron peut entrer à la cour. Elle a 38 ans à l'époque, le roi en a 35, vous voyez, tout de même, hein. Et on est encore dans la cour de Saint-Germain-en-Laye à ce moment-là. Alors, il y a un jeu qui s'établit peu à peu entre Louis XIV, qui ne sait pas trop comment prendre cette dame un peu prude, qui a l'air tellement sûre d'elle, et cette femme qui elle-même est intimidée par un milieu qu'elle découvre et qu'elle découvre sur le tard. « À qui sont ces enfants ?» lui demande un jour le roi. « Sûrement à la dame qui demeure avec nous, du moins si j'en juge par les agitations où je la vois, au moindre mal où ils sont, » répond Madame Scarron. « Et qui croyez-vous qui en soit le père ?» demande le roi. « Ma foi, sire, je n'en sais rien, mais j'imagine que c'est quelque duc ou quelque président au Parlement. » Et ça fait beaucoup rire le roi, qui peu à peu trouve cette femme pleine d'esprit, lui trouve de grandes qualités, à mesure même qu'il se lasse de Madame de Montespan, viendra par la suite se mêler à l'affaire des poisons. Vous savez, alors évidemment, la défaveur de Madame, la disgrâce de Madame de Montespan sera consommée. Elle ne se doutait pas, Françoise Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, cette grande dame de la cour avec son immense ascendance, elle ne s'imaginait pas qu'en faisant entrer cette semi-bourgeoise dans son intimité, c'est en même temps une vipère qu'elle allait nourrir dans son sein. C'est en tout cas comme ça qu'elle allait voir les choses. On peut dire qu'à partir de ce moment, les disputes entre Madame de Montespan et celle qui s'occupe de ses enfants sont de plus en plus nombreuses, fréquentes, violentes même. Je me suis amusé sur le site francferrand.com à vous citer l'une de ces disputes écrites par Françoise Chandernagor. C'est assez spectaculaire. Madame Scarron est bien près à plusieurs reprises de perdre son office, mais elle jouit de plus en plus de l'appui, du soutien du roi qui, en décembre 1674, et nous allons revenir bien sûr sur cet épisode tout à l'heure, qui en décembre 1674 va l'appeler Madame de Maintenon. Et toute la cour l'appelle désormais Madame de Maintenon. On n'imagine pas jusqu'où cela ira, puisque très bientôt, elle va devenir littéralement l'épouse morganatique, certes, mais elle va devenir en secret l'épouse de Louis XIV. C'est un destin tout à fait extraordinaire, l'un des plus extraordinaires qu'on puisse imaginer, évidemment. Madame de Maintenon, parce que maintenant on peut l'appeler ainsi, Madame de Maintenon va utiliser la très grande confiance du roi, la position absolument unique qui est la sienne, pour constamment favoriser le duc du Maine. Et ça aussi, nous allons y revenir, on la verra dans la fin du règne, tout faire pour infléchir les décisions du roi en matière de succession, pour que le testament de Louis XIV désigne le duc du Maine à la présidence du Conseil de Régence. On sait ce qu'il en adviendra à la mort du roi. Le Parlement de Paris cassera le testament de Louis XIV et confiera la régence pleine et entière au neveu du roi, à Philippe d'Orléans. On peut dire que ça aura été la dernière grande déconvenue de Madame de Maintenon en ce monde. « Je croyais autrefois, lui fait dire Françoise Chandernagor, que l'âme s'usait avec le corps et qu'à l'instant que les mains n'ont plus la force de saisir, l'esprit lui-même se détache des vanités et des passions de ce monde. Et voici que j'enferme dans ce corps décharné un cœur plus âpre, plus inquiet, plus avide d'amour et d'absolu que l'âme de mes jeunes années. Le silence de ce couvent et l'immobilité de ma prison de chair m'étouffent. Je meurs, mon enfant, de sécheresse plus que de vieillesse. » Bonjour Françoise Chandernagor. Il y a longtemps que j'attendais ce moment, je suis très heureux de vous recevoir, je pense que tout le monde l'aura compris. Nous allons bien sûr parler de Madame de Maintenon, de cette cour de Louis XIV, de tous ces événements extraordinaires, mais nous allons aussi, et j'ai envie de dire surtout, c'est assez égoïste comme ambition de ma part, parler de l'écriture de ce maître livre que vous avez écrit bien sûr en 1981, L'Allée du Roi. C'était chez Julliard et c'est réédité en folio chez Gallimard. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Madame de Maintenon, Madame Louis XIV, avec vous Franck Ferrand et votre invitée Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt, écrivain, auteur notamment, vous le disiez, de L'Allée du Roi, sorti en 1980, plusieurs fois réédité et en folio chez Gallimard aujourd'hui. Alors Françoise Chandernagor, vous me faisiez remarquer, vous avez tout à fait raison, que j'ai commis une erreur dans le récit tout à l'heure. J'ai dit qu'elle était née protestante. En fait, non, elle a bien été baptisée catholique. Oui, elle est née catholique parce que sa mère était catholique et que son père, qui était né protestant et fils du grand poète protestant Agrippa d'Aubigné, avait renié sa religion plusieurs fois. Enfin, c'était un gars qui passait de prison en prison et de religion en religion. Enfin, c'était un aventurier. Quel destin phénoménal. On se demande d'ailleurs pourquoi, avant vous, personne n'avait eu l'idée de s'emparer de cette incroyable destinée pour en faire un grand livre. Parce que vraiment, on a dans l'histoire, à part peut-être Théodora ou quelques exemples limites, on n'a pas d'image, on n'a pas d'exemple d'une personnalité qui soit partie d'aussi bas pour monter aussi haut dans la société, je veux dire. Oui, et moi c'est ça qui m'intéressait, un exemple d'ascension sociale aussi tout à fait extraordinaire, surtout pour une femme, et à une époque où on ne bouge pas, la société est très immobile. Mais je pense que les gens n'avaient pas écrit là-dessus parce qu'ils étaient restés, ils en restaient à la caricature qui avait été faite d'ailleurs par l'enseignement scolaire, parce que Michelet s'était appuyé uniquement sur la Palatine et sur Saint-Simon pour faire le portrait de Madame de Maintenon, et il avait fait un portrait à terrible, charge forcément. À charge, bon. Et sans même se rendre compte qu'en fait Saint-Simon n'est pas une source d'information différente de la Palatine. Quand Saint-Simon arrive à la cour, à 15 ou 16 ans, Madame de Maintenon a plus de 60 ans. Il ne l'a pratiquement jamais rencontrée. Voilà. Bon, il l'a aperçue de loin, il dit quand on l'apercevait de loin, on voyait des coiffes noires, je ne sais pas quoi. Il ne la connaît pas, il ne la connaît pas. Donc il va être obligé de s'en remettre à la mère de son meilleur ami. Son meilleur ami, c'est Philippe d'Orléans. La mère, c'est la Palatine. Voilà, et qui est la belle-sœur du roi et qui déteste, et qui est la belle-sœur de Madame de Maintenon, de fait. Et qui déteste la belle-sœur parce qu'elle est amoureuse du roi, elle aurait bien voulu être à la place de Madame de Maintenon, mais pas de chance. L'autre, qui est pourtant plus vieille que la Palatine, c'est ça qui l'agace, mais beaucoup plus belle, s'il faut dire quand même. Incomparablement, oui. Peut-être pas plus intelligente. Elles sont toutes les deux très intelligentes dans des genres différents. Mais bon, voilà, on est informé par des gens extrêmement jaloux. Et c'est une désinformation qui a marché superbement. Et les gens n'avaient pas tendance à aller rechercher des lettres. Moi, ce qui a été le coup de foudre, c'est la correspondance de Madame de Maintenon. Et n'était pas entièrement... Un nombre de lettres phénoménal. Oui. Combien de lettres ? Alors, il y avait 80 volumes de lettres de Madame de Maintenon à Saint-Cyr. Et il n'y avait pas tout à Saint-Cyr. C'était des lettres écrites à des petites filles ou à des institutrices. Et c'était des lettres, bon, dans l'entourage immédiat. Mais il y a beaucoup de lettres que les dames de Saint-Cyr n'avaient pas. Elles en avaient au moment de la Révolution quand même 80 volumes de lettres qui ont été totalement dispersés par la Révolution. Et ensuite, on a eu des publications très partielles de telle ou telle lettre avec la princesse des Ursins assez tôt, c'est-à-dire au moment de la guerre de succession d'Espagne, avec son frère Charles, avec bon. Mais on est en train de faire actuellement la première édition de la correspondance générale de Madame de Maintenon, de ça rassembler va être en de nombreux existe. Volumes, j'imagine. Alors on en est au sixième volume. C'est chez Honoré Champion, parce que c'est chaque volume fait au moins un millier de pages. Donc on commence à rassembler les choses, mais seulement, et j'espère que c'est un peu à cause de l'Allée du Roi, seulement depuis ce moment-là, parce qu'en réalité, cette femme avait raconté beaucoup de choses. Vous disiez tout à l'heure, vous montriez comment je reprenais des phrases dans le récit d'Allée du Roi, des phrases écrites par elle, mais oui, parce qu'elle a raconté beaucoup de choses dans sa correspondance, beaucoup de choses aux dames de Saint-Cyr, que les autres ont notées, etc., ou aux petites filles. Et au total, nous avons beaucoup de choses où elle dit « je ». C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai écrit à la première personne. Et c'est ce qui est magnifique dans votre livre, c'est qu'on ne voit pas du tout les coutures, on ne sait pas quand c'est Mademoiselle de Aumale, quand c'est Madame de Quélus, quand c'est Madame de Maintenon elle-même qui parle, et vous, bien entendu, car vous avez dû inventer un certain nombre de scènes, évidemment. Il y avait des trous dans cette biographie, bien sûr, forcément. Il y avait beaucoup de trous, d'autant plus que c'est une femme très secrète et qu'il y a toute une partie de sa vie qui est très secrète ou qu'elle n'a pas vraiment commenté. D'abord, sa vie avec Scarron, sa vie conjugale avec Scarron, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a été. Sans doute pas un mariage blanc, mais sans doute pas un vrai mariage non plus. Donc moi, je lui ai fait dire que c'était un mariage gris, mais enfin bon, voilà. Et puis, toute l'époque où effectivement, elle doit cacher les enfants, elle doit elle-même ne pas dire à ses amis qu'elle est... y a des bâtards et qu'elle en est la gouvernante. Donc là, elle n'a pas trahi le secret, sauf dans des lettres retrouvées aujourd'hui, mais sinon avec son confesseur, c'est pas risqué. Et puis cette entrée à la cour qui ne se fait pas par la grande porte, mais par une porte de côté, voilà. Disons. Et puis après, le moment où probablement elle est la maîtresse du roi, alors que Madame de Montespan est là, la Fontange est là, etc. Bon, et puis pour finir, un mariage secret. Elle n'a jamais pu dire « je suis mariée ». Ça apparaissait vraiment évident au bout de quelques temps aux yeux de la cour. Elle avait le droit d'être en fauteuil à côté du roi, ce qui est un cas totalement unique dans toute l'histoire de l'étiquette royale. Donc les personnes présentes devaient bien comprendre quelle était sa situation, mais ça n'a jamais été officiel. Oui, d'ailleurs, une fois, Louis XIV venait de prendre une médecine, il était à moitié nu sur son lit, elle était à côté de lui, et c'était au début de leur mariage. Et à ce moment-là, le frère du roi, Philippe, est entré dans la pièce. Celui qu'on appelait monsieur à la cour. Monsieur. À ce moment-là, Louis XIV a dit... De la manière, mon frère, dont vous me voyez avec ma femme, vous vous doutez bien de ce qu'elle met. De ce qu'elle met. Voilà, mais sans pas plus. Donc c'est une façon de dire, bon ben voilà, nous sommes mariés. De même, elle recevait parfois des lettres anonymes ou pas anonymes de braves dames qui étaient indignées de sa situation. Des braves dames dévotes qui lui écrivaient, mais comment, vous êtes la maîtresse du roi. Et alors, elle répondait quelquefois, notre évêque sait à quoi s'en tenir. Mais c'est tout. Elle ne pouvait pas aller plus loin. Ah non, jamais, jamais. Non. Alors, une très grande intelligence, une vraie douceur de comportement, mais une fermeté dans la volonté absolument inouïe. Je ne mets point de borne à mes désirs, n'est-ce pas? C'est un peu la devise qu'on a retenue de cette femme extraordinaire. Nous allons revenir, bien entendu, sur l'ensemble de ce parcours inouï. Un parcours quand même qu'elle partage, si je puis dire, avec sa domestique Nanon Balbien. Vous lui faites dire, ça j'aime beaucoup ce passage, alors elle raconte dans quelles circonstances extrêmement difficiles elle a récupéré cette pauvre fille qui vivait littéralement dans un gourbi, au milieu d'une famille qui mourait de faim. Elle avait besoin de moi, plus que moi d'elle, écrivez-vous. Je l'engageais donc, et ce jour fut pour elle le début d'une fortune qui, toute proportion gardée, ne me paraît pas moins prodigieuse que la mienne. C'est qu'elle a entraîné dans son sillage un certain nombre de ses amis. Oui, évidemment. Oui, Nanon Balbien a été à la cour, dans la privance du roi, comme on dirait. Elle s'est occupée de la jeune duchesse de Bourgogne qui était devenue dauphine. Nanon était vraiment comme la nounou de la duchesse de Bourgogne. Et ça a indigné Saint-Simon aussi. Penser que Mademoiselle Balbien, elle était devenue Mademoiselle, mais alors qu'elle était sortie de rien, qu'elle avait appris à lire avec Madame de Maintenon. Et Mademoiselle Balbien avait ses entrées à n'importe quel moment, dans la chambre de la dauphine, dans la chambre du roi. Ben oui. Ça paraît et pas Saint-Simon, lui. Pas au duc et père. Alors là, ça n'était pas acceptable à ses yeux, bien entendu. Ce livre, vous l'avez écrit pendant plusieurs années. Hein, ça a dû 4-5 ans. Ça a été un immense succès à l'époque. Ça, j'en témoigne. Vous en avez vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Oui. Et ça a été adapté au théâtre ensuite, à la télévision, bien entendu. Oui. Alors, tout le monde connaît le célèbre film. D'ailleurs, je vous propose, si vous voulez, d'en entendre un court extrait. Que vous me faites du bien, sire. Je sens que je meurs. Je ne croyais pas que l'heure était aux larmes. Pardonnez-moi, sire. Je n'ai pas le pouvoir de les retenir. Je vous aurais voulu moins affligée en cet instant, madame. Si dans vos bras je ressentais moins de bonheur, sire, je n'en éprouverais pas tant de honte. Je ne suis pas maîtresse des sentiments qui me portent vers vous, mais je n'ignore pas à quel point j'offense Dieu. Sire, je sais quel mépris vous avez pour les prudes, et la crainte de vous déplaire augmente encore mon chagrin. Je n'aime pas les prudes, en effet, mais je ne hais pas les femmes sages. Du moins, n'ai-je pas l'occasion d'en être lassée dans ce pays? Je n'étais pas parfaitement sincère dans mes plaintes. Ce n'était pas tant la honte du péché qui m'affligeait, que celle de figurer dans un rang médiocre sur une liste un peu longue de galanterie royale. Quel plaisir pour l'esprit, cette langue du XVIIe siècle dans laquelle vous vous êtes littéralement coulé. Ah oui, j'ai adoré. Hein. Ça a été un grand bonheur pour moi. Puis je me suis aperçu que j'avais des facilités dans ce style. En fin de compte, j'ai l'impression de trouver ma langue naturelle. C'est ça. Oui. Et c'est peut-être finalement notre langue naturelle à tous. La seule différence entre vous, Françoise Chandernagor, et la plupart d'entre nous, c'est que nous, nous l'avons oublié. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Un extrait de la bande originale du film Louis, enfant roi, c'était Madame de Beauvais. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Madame de Maintenon cet après-midi, avec vous Franck Ferrand et votre invité Françoise Chandernagor de l'Académie Goncourt. Alors Madame de Beauvais était celle qui était censée avoir dépucelé le roi. Depuis, il avait eu un nombre absolument incalculable de maîtresses. Comment expliquer que ce coureur de jupons, que cet homme qu'on voyait avec constamment de nouvelles conquêtes, connu ou pour le plus souvent inconnu de l'histoire, comment expliquer qu'il se soit arrêté, si je puis dire, sur Madame de Maintenon et qu'à partir des années 1680, il lui soit à ce point fidèle? C'est la crainte de Dieu, c'est la force de la dame elle-même? La crainte de Dieu sur un homme de 40 ans, même si à l'époque c'est considéré comme plus vieux qu'aujourd'hui, mais en fait tout est relatif. Il y a des gens à l'époque qui ont une mauvaise santé, mais enfin Louis XIV avait une très bonne santé, il est mort à 77 ans, elle est morte à 84 ans. Oui. Bon, on peut penser qu'à 40 ans, ils ne sont pas absolument rebutants l'un pour l'autre, ni si dévots que ça, enfin ça ne suffit pas. Mais c'est vraiment là un tour de force de Madame de Maintenon, parce que je ne sais pas, effectivement, comment elle a fait. Et simplement, elle disait plus tard, à la fin de sa vie, aux dames de Saint-Cyr, « Si le roi n'avait pas trouvé son plaisir avec moi, il serait allé le chercher avec d'autres. » Bon, donc, c'est son plaisir au sens large, bien oui, sûr. Oui, bien sans sûr, doute bien pas sûr. Exclusivement un plaisir sexuel, mais je crois qu'elle était... Elle a peut-être fait avec Louis XIV comme elle faisait avec les enfants. Elle l'a charmé, elle s'est prêtée à quelques caprices, etc., etc. Et petit à petit... Alors, il est vrai qu'il avait aussi... c'est moi qui lui fais dire, on l'a entendu tout à l'heure dans la bande du film, je ne déteste pas les femmes sages. Parce qu'il avait quand même l'exemple de sa mère. Il avait adoré sa mère, quand même. Il avait un rapport entre le fils et la mère très fort. Et Anne d'Autriche avait été une femme assez coquette. Bon, on sait qu'elle avait été amoureuse de Buckingham, etc. Mais c'était une femme sérieuse, politique, qui se tenait bien, qui était élégante, mais qui avait... Bon, alors, au fond, est-ce que c'est pas ce qu'il a aussi trouvé avec Madame de Maintenon, sur le tard relativement, donc autour de 40 ans, alors que les autres étaient parfois, soit comme Mademoiselle de la Vallière, elle était trop timide d'une certaine manière, hein, bon, elle ne pouvait pas tenir un rang à la cour, bon, soit comme Madame de Montespan, pas alors, assez l'excès timide. Inverse, oui, là, oui vraiment. L'excès inverse, le traitant plus bactère par moment, disant il adore ça, alors voilà, vous êtes très mal né, je suis quand même d'une meilleure naissance que vous, elle lui racontait des calembredaines comme ça. Donc, il y a ça. Mademoiselle de Fontange, on dit bien, et Saint-Simon le dit, il en avait honte parce qu'elle était trop sotte. Elle et était oui. ravissante, elle avait 17 ans, mais il s'est aperçu en chemin oui. que c'était une ravissante idiote. Bon, donc finalement, il voulait une maîtresse qui soit agréable à vivre et qui arrive à tenir un rôle acceptable. Et avec Madame de Maintenon, je pense qu'il l'a trouvée avec une femme au surplus extrêmement discrète, et ça, il le voulait parce qu'il avait... Il ne fallait jamais trahir le secret du roi. Une jamais. Grande constance, il l'appelait votre solidité, solidité. Pour s'amuser. Voilà, il l'appelait votre solidité. Elle était solide d'ailleurs, elle était très solide. Elle est absolument imperturbable. Elle est incassable, elle a une enfance, c'est un cas d'enfant résilient pour moi. Parce qu'elle a une enfance épouvantable, et pour employer le vocabulaire de Boris Cyrulnik, je pense que c'est typiquement un cas de résilience. Elle se redresse chaque fois et elle repart. Et peut-être parce qu'elle a eu quand même dans son enfance d'excellents contact avec sa tante, qui la prenait par intermittence. Mais là, elle a connu l'affection. Mmh. Il n'était pas facile à vivre, Louis XIV. Lorsqu'on vous lit, on se dit que c'était quand même un peu une épreuve quotidienne pour Madame de Maintenon. Il vivait les fenêtres ouvertes en plein hiver, il voulait tout son monde à sa merci en permanence, avec en plus ce sens de l'esthétique et cette espèce de rigueur. Elle dit, il nous faudra mourir en symétrie. Oui, c'est un mot authentique, je l'ai repris. Il faudra périr en symétrie. Périr en symétrie, c'est assez bien vu. Elle a beaucoup d'humour, je peux signaler que là, vraiment, moi ça a été la découverte à travers sa correspondance, c'est une femme pleine d'humour. On ne nous l'avait pas dit avant. Et oui, non, c'est vrai. Pleine de vie aussi. Oui, hein, puisque c'est vrai que l'image qu'on en a gardée, c'est plutôt cette veuve un peu sombre. Une très vieille dame, mais enfin, voilà, elle n'a pas toujours eu 85 ans. Hein. Oui, bien sûr. À la toute fin de sa vie, évidemment, elle deviendra une sorte de monument historique que visitera le tsar, d'ailleurs, pendant sa fameuse visite à Paris en 1717. Il ira à Saint-Cyr et il se fera montrer Madame de Maintenon comme on se ferait montrer un tableau. Absolument, en fait. Elle l'a raconté aussi. Oui. Mais pour elle, vivre avec le roi n'est pas tous les jours une partie de plaisir. Elle doit faire de très nombreux sacrifices dans tous les domaines, évidemment. Et parce qu'il aura un véritable appétit sensuel jusqu'à la fin de sa vie, lui. Ben oui, apparemment, puisqu'on a une lettre quand elle a 72 ou 13 ans, une lettre adressée à l'époque à son directeur de conscience, demandant si de temps en temps elle pourrait pas se dérober. Et il lui a dit, non, madame, cet homme se perdrait sans cela. Donc, voilà. Bon. Mais oui, je pense que... il était tyrannique, Louis XIV, mais tout naturellement. Il était habitué, elle le disait d'ailleurs, à ne compter que par rapport à lui. Les autres n'existaient pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il était méchant, hein. Mais il n'y songeait pas. Il pouvait même être délicat quand il en avait l'idée. Oui, c'est ça. Mais autrement, il n'y songeait pas. Bon, il y avait un truc que tout le monde disait à la cour, c'était toutes ses maîtresses en souffraient, Madame de Maintenon doit souffrir, c'est que quand on faisait des grands trajets en carrosse, il ne s'arrêtait pour faire une pause pipi que quand lui en avait envie, mais sinon il n'était pas question de s'arrêter pour qui que ce soit. Bon, voilà. Alors tout le monde était prié de caler ses besoins sur les siens. C'est le roi d'abord. Oui, le roi d'abord, bien sûr. Alors, quelle a été son influence politique réelle? C'est très difficile. Alors là, les historiens sont très partagés sur la question. Moi, je pense que c'est une influence politique réduite. Elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et il faut bien penser que longtemps, elle est toute seule. Elle ne peut s'appuyer ni sur une famille puissante, ni sur un parti, ni au début sur l'Église, parce que l'Église n'aurait pas misé 100 sous sur cette petite bourgeoise, etc. Hein. Bon. Donc, elle ne peut pas vraiment avoir un avis différent de celui de Louis XIV. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a aucune part dans la révocation de l'édit de Nantes. Alors là, absolument pas. Et il faut cette le souligner, légende, parce que c'est une légende qui continue de courir, sûr, oui. Avec l'idée d'ailleurs qu'elle s'est convertie, ce qui n'est pas le cas. Pardon. Bon. Cette légende de la révocation est née essentiellement de fausses lettres fabriquées par Labaumel au XVIIIe siècle, un protestant sévenol qui a publié une soi-disant correspondance de Madame de Maintenon sans trop de scrupules, comme on faisait à l'époque. Et il a inventé pas mal de lettres à une destinatrice qui n'a jamais... Enfin, on ne retrouve aucune lettre authentique de Madame de Maintenon à cette dame, qui d'ailleurs était à la cour. Il n'y avait aucune raison qu'elle lui donne des nouvelles de la cour, etc. Et elles n'étaient pas si proches. Et donc, toutes ces lettres à Madame de Saint-Géran sont des faux, et dans lesquelles il lui a donné un rôle politique. Peut-être pas pour la caricaturer, mais parce qu'il pensait que ça intéresserait plus le public si on lui donnait un rôle politique. En fait, elle en a peu. Vous avez dit, l'essentiel de son rôle politique, ça passe autour des personnes, et notamment à la fin. Nomination, oui. À la fin, voilà, certaines nominations. À la fin, le testament pour son duc du Maine. Qui n'a pas eu d'effet, finalement. D'ailleurs, Louis XIV lui avait dit, il en sera, comme pour le testament de feu mon père, il sera cassé. Il avait dit à Noël, au moins j'aurai la paix. Oui, j'aurai la paix. Bon, donc voilà. Et moi, en dehors de ça, elle a peu d'influence politique. Elle dit elle-même, je n'ai commencé à entendre parler des affaires qu'à 40 ans. Oui, c'est ça. Donc c'est tard. Elle est arrivée tard, il faut vraiment avoir ça bien à l'esprit. Oui. Ce qu'il y a de remarquable dans votre ouvrage, c'est que sans jamais être didactique, vous nous faites comprendre cette femme. On voit ce caractère très puissant, on voit cette carrière construite et menée de main de maître, on voit aussi cette femme moderne, on peut dire véritable incarnation de ce qu'on appellera plus tard l'éducation libérale. Hein, on est déjà dans cette idée. Absolument, elle n'aime pas tellement qu'on abuse du fouet et autres trucs à la mode, et elle s'intéresse au tout petit, ce qui est rare à l'époque, et finalement, elle est très supérieure comme pédagogue, quand on la lit, très supérieure à Rousseau. Voilà, par exemple. Viendra après. Une prochaine fois, si vous voulez bien, Françoise Chandernagor, il va falloir que vous reveniez nous parler cette fois d'Antiquité, puisque évidemment, il faut parler de votre nouvelle trilogie antique, Les Enfants d'Alexandrie, le premier tome, Les Dames de Rome, et puis, il y en a un là qui va bientôt paraître. Pas tout à fait bientôt, mais c'est L'Homme de Césarée, c'est le troisième. Ce sera le troisième volet de la trilogie. Il faudra que vous veniez nous parler d'Alexandrie l'esprit de l'Antiquité. La fille de Cléopâtre. Et de parce Cléopâtre, que voilà quelqu'un aussi qu'on n'a pas assez connu. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Nous croulons sous les sondages en ce moment. Lorena vient de m'en apporter quelques-uns là, qui datent des trois derniers jours. 81% des Français inquiets pour leur retraite, 71% des Français favorables à un retour à la défiscalisation. On ne cesse de sonder l'opinion publique, mais depuis quand ? Eh bien, en vérité, d'abord, il faut savoir ce qu'on appelle l'opinion publique. Je me rappelle que lorsque j'étais à l'EHESS, on me disait que l'opinion publique était née au milieu du XVIIIe siècle et qu'on pouvait la dater à peu près des grandes interventions voltairiennes des années 1760. C'est sans doute vrai d'un point de vue historique, mais on s'intéressait déjà au point à l'opinion des gens bien avant cela, vous savez, et notamment en matière fiscale. Dès le Moyen-Âge, on est assez regarde d'assez près l'attitude des habitants, l'attitude des militaires, etc., dans toutes les questions de collecte d'impôts, par exemple. L'administration de Louis XV réalise en 1745 ce qui est considéré comme la première forme de grande enquête d'opinion sur un modèle qui avait été lancé d'ailleurs par Vauban. Il faudrait revenir là-dessus. Mais on commence déjà à s'inquiéter de très près de ce que pense l'opinion. Il faudra attendre néanmoins bien plus longtemps pour que naissent nos sondages tels que nous les connaissons aujourd'hui. Évidemment, je ne pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant que c'est George Gallup, en 1935, qui va, pour être agréable à sa belle-mère, Olga Babcock Miles, qui est candidate à des élections dans l'État d'Iowa, il va établir un échantillon représentatif des habitants de cette circonscription, et puis il rédige un questionnaire et il leur soumet le questionnaire. C'est le premier sondage Gallup, évidemment, ce nom est devenu synonyme de sondage aux États-Unis, bien entendu. On peut dire qu'en France, il va falloir encore un petit peu plus de temps, mais avant la guerre, déjà, on commence à s'intéresser à l'opinion publique. Et puis, c'est le journaliste Alfred Max, avec André Siegfried, le grand politologue, bien sûr, qui ont fondé l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Alors là, on peut dire qu'à partir du lendemain de la guerre, hein, le jour même où les Allemands quittent la capitale, le 26 août 1944, les enquêteurs de l'IFOP, qui se sont préparés en secret, posent aux Parisiens une double question. Quelle a été votre plus grande joie ces temps derniers et avez-vous assisté au retour du général de Gaulle ? La réponse était dès le 4 septembre 1944 dans Libération. Et c'est Roland Pérez que nous retrouvons. Bonjour Roland. Bonjour Franck. Les experts européens n'ont pas résisté au plaisir de vous prodiguer 1001 conseils en ces veilles de fête pour vous donner des recettes de cuisine traditionnelles, originales et très inventives. Nous passerons en revue les blogs, les ateliers, les chefs. Et puis n'oubliez pas, vous aussi vous êtes experts et vous pouvez venir partager vos recettes et vos suggestions. Comment devenir un vrai chef chez vous ? C'est possible. Un numéro de téléphone 3921 pour vos questions ou la page Facebook des experts européens. A tout de suite pour parler cuisine et avec Anissa que nous retrouvons également. Vous allez me donner votre recette, Anissa ? Ouh là là, moi je suis pas très douée justement. Je vais profiter de cette émission pour m'améliorer un peu en cuisine. Heureusement allez, que les blogs sont là. A tout de suite avec les experts européens. A tout de suite. Merci beaucoup Roland. Eh bien je vous retrouve demain Céline. À demain Franck.